Chapitre 8e. Encore un été de passé, disait Faustine à Andlau, tandis que précédés de leurs chaises de poste, ils entraient à pied dans les faubourgs de Mayence par une sombre journée du mois d'octobre. Encore une belle saison découlée. Voici l'hiver avec son triste cortège. Et nous imitons les oiseaux qui se hâtent de regagner leur nid à l'approche de la tempête. Qu'il est doux de voyager comme nous faisons Anastase. Combien j'aimerais à parcourir avec vous le monde entier. Mais tantôt c'est l'argent qui nous manque et tantôt c'est le temps. Il me prend parfois le désir de quitter mes vêtements de femme et de me déguiser en homme pour voyager pédestrement, un bâton à la main. J'aurais sans doute l'air d'un petit vagabond. Les salons ouverts à la comtesse Obornau me seraient fermés, qu'importe. Je vis mieux sur les grandes routes que dans les salons et je préfère le mouvement au repos. Vous êtes toujours la même, Innie, répliqua Andlau. Toujours avide de changements, d'émotions nouvelles, ne pouvant vous fixer nulle part. En vérité, votre instabilité d'humeur est pour moi un sujet continuel d'inquiétude. Mon humeur est mobile, Anastase, mais mon cœur ne l'est pas. Ayez foi en lui. Il ressemble à l'aiguille aimantée qui incline à droite ou à gauche, et néanmoins tend invariablement vers le pôle. Seulement, et comparaison à part, les régions polaires me tentent peu. Je préférais de beaucoup le climat des tropiques. Mais il va pleuvoir, si nous entrions à la cathédrale. Vous aimez terriblement les églises, ma chère Innie. Depuis 3 mois, nous en avons visité 100. Mais dans quel état les avons-nous trouvées? Les unes tombant en ruine, les autres grossièrement restaurées, toutes accusant la négligence de l'homme et la décadence de l'art, l'impiété, le mauvais goût. Cela est vrai, trop vrai. Mais tels qu'ils sont, ces monuments doivent inspirer le respect. C'est l'expression matérielle d'une grande idée, et si la forme s'altère, l'idée reste. Oui, j'aime les églises, les vieilles cathédrales. Elles nous entretiennent d'un passé que nous n'avons pas connu, et d'un avenir plus mystérieux encore. J'aime aussi les vieilles cités doublement consacrées par le temps et par l'histoire. Je déteste, au contraire, ces villes toutes neuves et nées d'hier qui n'ont rien à vous rappeler ou à vous apprendre. Ces villes dont l'intérêt consiste dans le nombre de leurs maisons. Encore, ces maisons ne présentent-elles aucun caractère. Construites de la veille, on dirait qu'elles n'auront pas de lendemain. Au roulement d'une voiture qui passe, elles tremblent et gémissent sur leurs fondements. Au souffle du vent qui les bat en brèche, leurs murs vacillent. On s'étonne que là-dessous il existe des hommes qui aient le courage de dormir. Oh, mes vieilles cités où chaque pas évoque un souvenir. Oh, mes vieilles maisons grisâtres, si solides et si confortables, que je vous préfère à toutes nos constructions modernes. Vous, du moins, vous êtes faite pour qu'on vous habite. Vous n'étalez pas votre façade le long de la rue. Vous ne présentez qu'un côté étroit, et vous cachez modestement les autres. Les 1000 bruits qui remplissent la ville ne troublent point la paix de votre intérieur. Entre vos fortes murailles, il est permis de se croire chez soi. C'est là, si j'étais homme, que je voudrais aller chercher ma fiancée. C'est là que je voudrais la recevoir. Les jeunes filles sont comme les fleurs que fane l'ardeur du soleil, et qui aime l'ombre et le frais. Mais dans les maisons que l'on bâtit aujourd'hui, les jeunes filles sont élevées sous les regards des voisins et des passants. Oui, Anastase, si j'étais homme. Eh bien, Innie, voyons ce que vous feriez si vous étiez homme. Ce que je ferais. Je m'amuserais à parcourir les rues de quelques vieilles cités, de Mayence par exemple, interrogeant toutes les fenêtres, et demandant à toutes les maisons quel trésor de vertu et de beauté elles renferment. Regardez celle-ci dont l'aspect annonce la vétusté. Examinez-la avec sa porte voûtée, au-dessus de laquelle 3 glands sont sculptés, et avec sa fenêtre protégée par des barres de fer derrière lesquelles on aperçoit des pots de fleurs. Là, peut-être, se cache quelque jeune fille occupée à coudre ou à broder. Penchée sur son ouvrage, elle travaille gaiement. D'heureuses et chastes pensées caressent son imagination virginale. De temps en temps, elle fredonne une chansonnette. Ainsi chante l'oiseau blotti dans son palais aérien. Les longues tresses de ses cheveux tombent en désordre le long de ses joues et nous dérobent ses traits qui doivent être charmants. Elle tient ses yeux baissés, mais quand elle les relève, ils ont une expression de gravité et de douceur adorable. Vous voyez d'ici ce petit tableau d'intérieur, Anastase. Continuez, Innie, vous êtes un excellent peintre. Eh bien donc, si j'étais homme, j'aurais su découvrir cette jeune fille et ce serait ma bien-aimée. Chaque matin, je viendrai la visiter dans sa retraite. J'y reviendrai chaque soir. Je l'habituerai à ma présence. jusqu'à ce que ce fût un besoin pour elle. Je l'aimerais tout bas en secret, jusqu'à ce qu'elle commençât à m'aimer alors. Alors, Innie, achevez. Je suis curieux d'apprendre comment vous mèneriez vos amours si vous étiez homme. Un matin, j'aurai la force de me vaincre et Marie... Ah, elle s'appelle Marie. Oui, Marie ne recevrait point ma visite accoutumée. Voilà une ruse de guerre qui va précipiter la catastrophe. Certainement, vous comprenez. Le soir du même jour, les yeux de Marie me demanderont où je suis allé le matin et pourquoi elle ne m'a pas vu. Vous vous excuserez sur la crainte d'être importun, sur le danger qui résulte pour vous de ces visites. C'est un demi-aveu. La déclaration approche, une larme glisse furtivement le long de ses paupières. Je les suis. Bon, cela. Je me jette à ses pieds. Bravo. Je m'empare de ses mains qu'elle me dispute faiblement. À merveille. Et là, tandis qu'elle détourne la tête en rougissant, je lui peins l'amour qu'elle m'a inspiré. J'offre de lui consacrer ma vie. Je la conjure d'être ma femme, ma compagne, l'ange qui enchantera mes jours et me fera un paradis sur cette terre. Et elle consent. Elle ne dit rien. Mais ses paupières baissées se relèvent et son regard. Oh, venez, Anastase, entrons dans cette maison et que cette jeune fille... Faustine, tout entière à son idée, entraînait le baron vers la maison qu'elle venait de décrire. Andlow la retint en souriant. « Que vous êtes folle, ma chère Innie, lui dit-il. « Songez donc, vous ne pouvez épouser votre mari. »« C'est vrai, » répondit-elle en s'arrêtant tout à coup. « Je rêvais. Mais s'il existe réellement, je puis... Nous pouvons la marier. »« Oh, faites-le, Anastase, » s'écria Faustine. « Faites-le, et je vous aimerai encore davantage. »« Je vous le promets. » Pour qu'il reste quelque chose de votre joli rêve, si nous rencontrons une jeune fille pauvre et vertueuse, je lui donnerai une dot et elle bénira votre nom. Mais venez, la pluie redouble, notre chaise de poste nous a devancés. Il est temps de gagner l'hôtel où nous sommes attendus. Le lendemain, les deux voyageurs quittèrent Mayence et se dirigèrent sur Francfort. Mais dans cette dernière ville, le baron trouva une lettre qui annonçait la mort de sa mère. Ses deux frères le rappelaient auprès d'eux pour régler en commun leurs intérêts. « Il faut que je parte, » dit Andlow à Faustine, lorsqu'il fut revenu de la stupeur douloureuse où cette nouvelle l'avait jeté. « Quoi ?» dit Faustine en tressaillant. « Vous retourneriez en Alsace ? Nous serions encore séparés. Moi à Dresde, vous au-delà du Rhin ? C'est impossible, Anastase. Vous ne ferez point cela ? Vous ne quitterez point votre Innie ?» Et ses grands yeux de gazelle interrogeaient d'un regard humide l'expression changeante de ses traits. Ils exprimaient un attachement si vrai, une anxiété si poignante, qu'Andlow sentit sa résolution fléchir. Il rassembla tout son courage et d'une voix altérée qui cependant s'affermit par degrés. « Il le faut. Ma présence est nécessaire, absolument nécessaire. Il y a le partage de notre patrimoine à établir, et cela ne peut se faire sans moi. Il ne s'agit pas seulement de défendre mes intérêts, il s'agit de défendre aussi ceux de mon frère aîné, qui est chargé d'une nombreuse famille. Mon frère cadet était le favori de notre mère, et il est à craindre qu'elle ne lui ait laissé plus qu'aux deux autres. Vous voyez donc... Juste ciel ! Interrompit Faustine. Combien je déteste tous ces liens de parenté et de famille qui suscitent tant de divisions parmi les hommes, et qui font que des fils, en présence du cadavre à peine refroidi de leur mère, supputent la valeur de son héritage et s'en disputent la plus grosse part. Mais Innie, je pars pour que tout s'arrange à l'amiable et d'une manière conforme à l'équité. « Oui, et c'est cela qui me désole et m'indigne. Si votre voyage avait pour but d'aller pleurer sous la tombe de votre mère ou de serrer la main de vos frères, je serais la première à vous dire « Partez, Anastase ». Mais me quitter pour empêcher quelque spoliation, n'y a-t-il pas des tribunaux, des agents de police que ce soit en regarde, comme de surveiller les voleurs et les bandits du grand chemin ?» L'excès de la douleur ôtait à Faustine toute sa raison. Andlow s'efforça de la calmer. Il employa les promesses et les protestations. « Je serai bientôt de retour auprès de vous, » lui dit-il. « Quelques semaines passent vite. Vous l'avez éprouvé l'été dernier. » Cet argument redoubla le chagrin de Faustine. « Oui, » répondit-elle en sanglotant. « Je l'ai prouvé, et c'est pour cela que je ne veux point répéter l'expérience. Je me souviens trop de ce que j'ai souffert. Oh mon Dieu, quelques semaines, quelques mois peut-être. Et moi, pendant ce temps, Anastase, emmenez-moi avec vous. » « Songez-vous, Faustine, vous emmenez chez mes frères. Déguisez-moi. Présentez-moi comme votre page, comme votre secrétaire. Ma chère Innie, de grâce, réfléchissez. cela n'est pas praticable. Je vous conduirai à Dresde, et de là, j'irai seul en Alsace. » Ah ! S'écria Faustine, en rejetant la main d'Andlau qu'elle avait saisie. « Vous êtes froid et dur comme le marbre. Vous ne le pensez point, Uni. Vous le savez, au contraire, que... Je sais. Je ne sais pas pourquoi je vous aime. Mon Dieu, peut-être parce que je vous aime moi-même plus que la vie, que je n'existe qu'en vous et par vous, que vous êtes pour moi le monde entier. Je ne trouve point d'autre raison pour m'expliquer votre amour, mais je connais votre cœur, et j'ai confiance en celui-là. » Ces doux mots de tendresse étaient si rares dans la bouche de l'austère Andlau que Faustine en fut vivement touchée. Elle reprit la main qu'elle avait abandonnée avec dépit. Quoiqu'elle pleurât encore, ses larmes avaient déjà moins d'amertume. « Allons, Uni, poursuivit le baron, qui s'aperçut de ce changement, du courage, de la fermeté. N'ai-je pas ma part de chagrin dans cette séparation ? Oh, laissez-moi redire ce que trop souvent j'évite d'exprimer. Mon adorée Faustine, tu es pour moi la fleur qui parfume mon existence et embaume tous mes instants. Tu m'as donné tout le bonheur qu'il m'était possible de goûter ici-bas, et maintenant que je vais encore me séparer de toi, il me semble que comme une créature aérienne, comme un ange des cieux, tu vas t'envoler, disparaître, et que je ne te retrouverai plus. » Andlau s'arrêta ici en voyant Faustine émue. « Parle, parle toujours, » lui dit-elle. « J'aime la musique de ta voix, quand tu te sers enfin de mon langage et que tu dépouilles ta froide réserve. » « Oui, » continua-t-il, « à mon tour j'ai des pressentiments. Cette nouvelle de la mort de ma mère a brisé les ressorts de mon âme, je rougis de ma faiblesse. Mais en pensant à la solitude où vous allez vivre pendant mon absence, pour nous deux... » Ici Faustine lui ferma la bouche avec sa jolie main, et le lendemain ils poursuivirent leur voyage. Le trajet qu'il leur restait à faire jusqu'à Dresde fut aussi rapide qu'agréable. Faustine semblait avoir oublié que plus ils se rapprochaient de cette ville, plus ils hâtaient le moment de leur séparation. Jamais elle n'avait déployé plus d'amabilité, plus de grâces enchanteresses. Jamais elle ne s'était montrée plus heureuse d'avoir Andlau à ses côtés. Celui-ci, au contraire, sentait augmenter à chaque pas le chagrin qu'il éprouvait de la quitter. C'est que Faustine, pour avoir de l'esprit, pour fasciner le cœur et les yeux, n'avait pas besoin d'être stimulée par un cercle nombreux. Timide et réservée dans un salon et en présence d'étrangers, elle reprenait auprès d'Andlau toute sa gaieté, toute sa verve spirituelle, tout son charmant babillage. Comme les personnes qui vivent seules ou au milieu d'un petit nombre d'amis intimes, elle élevait peu la voix en parlant, mais sa voix avait un timbre harmonieux qui caressait l'oreille. De ce qu'elle disait, on ne perdait pas un mot. On aurait cru entendre le murmure d'une harpe éolienne, ou plutôt, cette voix si douce semblait être l'écho de son âme elle-même. C'était ainsi qu'elle entretenait le baron pendant le reste de la route. Penché vers elle, il écoutait en silence cette ravissante mélodie, et malgré lui, il songeait qu'il l'écoutait peut-être pour la dernière fois. 24 heures après leur arrivée à Dresde, Andlau partit pour l'Alsace, en prenant congé de Faustine. « Adieu. Je n'ai plus qu'une recommandation à vous adresser. Ne m'oubliez pas. Moi ? Vous oubliez ? » s'écria la comtesse en pleurant. « Moi ? Juste ciel, puissais-je mourir auparavant ? N'emportez point cette cruelle pensée, Anastase. Ne craignez pas que... » « Je ne l'emporte point, Inni. Je sens le besoin de vous répéter. Ne m'oubliez pas. « J'oublierai tout au monde !» s'écria-t-elle au milieu de sanglots convulsifs. « Tout, acceptez-vous, Anastase. » Et elle tomba à moitié évanouie sur un canapé. Lorsqu'elle revint à elle, elle se trouva seule. Andlau était parti. Faustine se jeta à genoux au milieu de la chambre et avec un accent de détresse. « Mon Dieu, mon bon ange m'a abandonné. Mon Dieu, veillez sur moi. » À dater de ce jour, elle vécut dans une retraite profonde. Vainement, ses amis s'efforçaient-elles de l'égayer en venant la visiter chez elle ou en l'invitant à leur fête. Faustine les remerciait de leurs soins et n'acceptait pas leurs offres réitérées. « Mais cela n'est pas raisonnable, » lui dit enfin Madame von Eylau, sa meilleure amie. « Le chagrin vous tuera si vous continuez de la sorte. Il faut chercher des distractions et voir le monde. »« Mais le monde me fatigue, m'excède, » répondit Faustine. « Andlau n'est plus là et je m'ennuie partout. Je m'ennuie à l'excès. » « Allons, ma chère comtesse, » répliqua Madame von Eylau d'un ton affectueux. « Le baron vous a en quelque sorte confié à ma garde, et je prétends user de mon autorité. Je vous permets de vous ennuyer, même chez moi, où je vous invite pour ce soir. Mais je ne veux pas que vous mouriez de consomption. C'est pourquoi j'exige absolument que vous voyiez le monde. Le monde vous arrachera à vous-même. Vous serez obligé de vous contraindre, de répondre à ceci, de parler à cela. Ce sera pour vous une diversion salutaire. Le croyez-vous réellement ? Demanda Faustine. Eh bien, je suivrai vos bons avis, et ce soir, j'irai à votre réunion. J'espère qu'elle ne sera pas trop nombreuse. Je n'en sais rien. Il peut m'arriver 50 personnes, comme je puis n'en avoir que 5 à 6. Mes amis connaissent les jours où je reçois. Viens qui veut. À ce soir donc. À ce soir.